Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. On reçoit Anne-Julie Durocher et Jasmine Raymond-Dréville, le retour du duo incroyable. On en parle politique avec François Landry, on a aussi la chronique sur la culture sportive avec Maxime Bilodeau. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 14 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau s'en vient en quelques minutes à peine. Le temps de vous dire le plan d'aujourd'hui. Maxime Bilodeau va être de retour pour parler de l'utilisation de la musique dans la pratique sportive. Et si je peux même être plus détaillé avec vous, ça va être une chronique à thématique musicale, mais dans laquelle il n'y aura aucune musique. Donc on va parler de l'utilisation de la musique dans la pratique sportive. Il va être question, entre autres, de ses effets sur les individus, de ses bénéfices sur la performance et les critères à respecter pour choisir, oui, correctement, cette musique-là. Donc, c'est à 7h30, dans d'une foulée à l'autre. Ensuite, la chronique L'Index d'Anne-Julie Durocher sera à 8h. Elle nous présente ses coups de cœur de la semaine. À 8h15, Jasmine Raymond-Dréville, une nouvelle case horaire, elle aussi. Donc, les deux filles reforment leur duo tant apprécié. Donc, elle va nous faire la chronique de l'AGEQTR. Et finalement, à 8h30, on parlera de politique avec François Landry. Et c'est là qu'on accueille Jean-Philippe Charbonneau. Bon matin! Salut! Ça va? Ah ouais? Ah, t'es pas facile le matin. Non, non plus. Ah, ouais. On est là. On est là, mais Caroline, pas en forme nécessairement, mais on est là. On est là. Au moins. Oui. Hier, c'était les soirées cachées, c'est fou. Oui. Avec Fanny Bloom. C'était tout qu'un show. Ben, on m'a transmis l'histoire. Tes coucous. Ouais, c'est ouais. Ça, mes coucous. Mais t'as raté un vraiment bon show, Mathieu. J'imagine. Et j'aimerais tantôt que tu m'en fasses un résumé complet. On expliquera OK. toute la soirée tout à l'heure parce que, non, en effet, moi, mon dos est complètement... J'arrive dans la trentaine. Oh. La trentaine commence la semaine prochaine et je pense que c'est un signe. En pleine face. En plein dans le dos. Oui. En plein dans le dos. Et encore ce matin, je me demande comment je vais animer l'émission complet, mais on aime ça, on a du plaisir ensemble, fait qu'on va se masser tout le long de l'émission. Oui, c'était un pacte que j'avais fait avec toi. Sinon, j'animerai debout. Voilà. On verra. Sinon, qu'est-ce qu'on a autour de ça? Évidemment, résumé complet des soirées cachées. Je pense qu'avec ça, on a une émission de 2 heures assez serrée. Je pense pas qu'on fasse grand-chose de plus que ça. On va commencer avec Chantal Archambault. Et une pièce, en fait, qu'on écoute un peu moins souvent... parce que les détours jouent vraiment beaucoup à ces fonds en ce moment. C'est une pièce très, très populaire dans le palmarès francophone. Donc, pour changer, voici Tomber Frail au 89 FM. Et maintenant. En direct de Trois-Rivières. Oh, bon point. Ton fusil braqué à mes flancs. Je suis tombé à tes apports. J'ai craqué le bon biscuit chinois me dictant d'épouser tes bras. Je retiens mon souffle en quittant le bas de ta porte. J'agrippe à moi ce tronc plein d'envie de toi. Pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. Ce soir tu sais mon si charmant qui me laisse ivre de regarde et j'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. Je retiens mon souffle en quittant le bord de ta porte et j'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. My man's dead. My demons in a hold me. Stop me and control me. I hope that when you read this note, you know that I'm well aware that I'm not close to perfect. I know you don't deserve this. You hold me, but I'm here to see myself. De Valentine, Gates of Hell, assemblage requis au 89 FM, c'est fou. Yahoo! 7h10! 7h10! Yahoo! C'est mon cri d'excitation par rapport à cette chanson-là, évidemment. C'est pas parce que mon nom va mal que je crie. Parce que je ferais pas ça en ordre, pas professionnel de mes mains. Donc, Jean-Philippe, hier, c'était les soirées cachées, c'est fou. Oui, ça explique un peu ma voix rauque ce matin, peut-être. Non, je trouve pas, vraiment pas. T'as une belle voix. Ouais. Tu devrais chanter au piano en formule cabaret. Ah! Ben c'est ce qu'on a eu droit hier. Oui, et on en parle parce que nous, on met tout dans des chroniques. Là, on parle jamais sans chronique. Là, ouais. Et on met ça dans la chronique. Il était deux fois. Si deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore, là, t'as deux choix. Pense si deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Et telle fois, c'est la chronique où on joue deux pièces d'un seul et même artiste, hein, et oui, au groupe. Oui. Et donc, vous aurez compris qu'on en jouera deux de Fanny Bloom tantôt. Oh, t'es coquin. Donc, on commence, c'était à 22h hier, le spectacle des soirées cachées. C'était à la passerelle, juste à notre droite, entre le pavillon de la Kiro, qui serait tellement dadon aujourd'hui. Oui, pour toi. Et la chronique de, le pavillon de la santé. Oui, exact. Et puis, ben, c'est ça pour faire. Pour ceux qui feraient que c'est ça, soirée cachée. Mm-hmm. Dans le fond, soirée cachée, c'est des soirées cachées. Dans le fond, on dévoile l'artiste qui est en dernière minute. Donc, ça s'est fait hier à l'émission de l'assemblage requis. La meilleure. Oui. Et puis d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi. Non. C'est enregistré. T'as enregistré le oui, spectacle? Oui. Mais non. T'as pas là le diffuser. Non, c'est pas. Ouais, c'est ça. On doit me le montrer, c'est ça que ça veut dire? Ouais! Ouais! Ah, c'est fun! Mais donc, spectacle de Fanny Bloom hier qui débutait par une première partie avec Jean-François Chapdelaine et Olivier Miquelette. Ah oui. Merci. Ah. Donc, deux étudiants ici à l'UQTR en histoire. Et puis, ça a donné le ton un peu à la soirée. Déjà là, une très bonne qualité. Ils sont allés de 6 ou 5 compositions, je me souviens plus, et un cover de chansons en finale. Et puis, vraiment une très bonne qualité là, qu'on a eu le droit de la part des deux messieurs. Et puis, ça, c'était le gars qui tapait sur sa colonne. C'était une espèce de boîte à batterie. Puis hier, on m'a dit le nom de cette boîte. C'est pas un haut-parleur sur lequel tu tapes. Là. Moi, je pensais que c'était juste un speaker. Non, c'est vraiment une boîte en bois. Et puis, dans le fond, ça peut remplacer une batterie pour faire un beat. Là, dans le fond, tam-tam style presque. Là. Ouais, c'est ça. Ben, t'es assis dessus, puis tu frappes. Et puis, ça peut être aussi intégré à une batterie traditionnelle, évidemment. Okay. Et puis, à la guitare, évidemment, et à la voix. On avait Olivier, donc vraiment un début de soirée déjà forte en qualité. Et puis, il s'en est suivi Fanny Bloom en formule solo avec son piano. Donc, première fois pour elle si longtemps. Elle était très excitée. Oui, très excitée et très nerveuse pour ceux qui la suivent sur Twitter ou Facebook. Bravo. Excuse-moi Mathieu. donc, on a pu voir un peu avant les journées. T'sais, elle pouvait pas expliquer exactement son... le concept, où est-ce qu'elle allait être, évidemment. Mais quand même, elle disait qu'elle était un peu nerveuse, qu'elle allait faire un peu de cover. C'était la première fois qu'elle faisait ça si longtemps. Et puis, vraiment, un superbe spectacle. Beaucoup de gens lui ont dit, tu sais, ça pourrait se faire vraiment plus souvent, la qualité y était. Et puis, vraiment, très généreuse. Là, donc, on a eu le droit à vraiment un spectacle de très, très bonne qualité. Elle a joué des compositions de son dernier album, Apprenti Guerrière. Ouais. On a eu le droit à 2 ou 3 exclusivités. Là, exclusivités. Inédites, des nouvelles chansons. Oui, des chansons inédites qui paraîtront probablement dans son prochain album là, qui est en création en ce moment. Okay. Et puis, c'est ça, quelques covers. On a eu le droit à une chanson de Rihanna que je me suis... tu pourras me taper sur les doigts, okay. Mathieu, que j'ai quand même beaucoup apprécié. Ben, c'est fait à la façon Fanny Bloom, n'importe quelle chanson. Donc, Rihanna, que bon, j'écoute pas vraiment, là, mais vraiment, je pense que c'est... Oh. Écoute, sont toutes pareilles. Ça commence par un S. Là, ah, la chanson, je me souviens vraiment plus. C'est Sticks quoi? And Stones. Non, mais en tout cas, vous pourrez regarder. Là, je sais pas où, mais regardez. Et puis, arrangez-vous avec vos troupes. C'est ça. Et puis, donc, une remasterisation, si on veut, là, d'elle au piano. Là, je sais pas le terme exact. Là, mais donc, elle a décidé de reprendre la chanson au piano et avec une voix extraordinaire. Et donc, on a le droit comme ça, une chanson également de Mister Valère, mais façon piano. Ça devait vraiment être bon. C'était excellent. Donc, vraiment, tout qu'un spectacle que Fanny nous a livré à cette passerelle qui, soit dit en passant, était très intime. Même les gens se sont mis à chanter à un moment donné une de ses chansons. Il y avait une belle rythme. Réciprocité. Oui, c'était réciproque. Oui, voilà. Donc, les gens étaient assis, il y avait des tables, il y avait des chaises. Oui, c'est ça. On pouvait boire, siroter une bière pendant le show. On avait mis des petites nappes noires avec des petites bougies, tu sais, des fausses. C'est cute. Des petites bougies on-off, là. Oui, on-off. Donc, ça faisait vraiment style cabaret. C'est ce qu'on recherchait. Je pense que les gens ont bien apprécié. Donc, c'était dans le cadre des soirées Caché C'est Fou ici, qui sont en collaboration, évidemment, avec 89.1 FM. On aura une petite entrevue éventuellement, là, peut-être la semaine prochaine là, qu'on pourra jouer ou en tout cas tu décideras, Mathieu. On décidera ensemble, Jean-Philippe. Non, ben, c'est ça. En fait, je voulais dire si tu voulais le mettre dans le palmarès ou si on garde ça pour Assemblage Requis. C'est pas très long, mais on a eu beaucoup de plaisir là, à faire cette entrevue donc avec Fanny Bloom qui était hier le 13 mars avec nous à l'UQTR. Vraiment un très bon spectacle. Si vous avez la chance d'aller la voir... Allez-y, mais ce sera pas en formule solo. Ben non, parce que vous avez manqué ça, bande de caves. Oui, mais elle fera prochainement là, les premières parties d'Ariane Moffat J'ai pas les dates en tête, mais vous allez voir Fanny Bloom sur... tapez ça dans Google, elle a un site internet. Je sais qu'elle est à Belleuil en fin de semaine prochaine. Elle vient ici, je pense, au Cégep de Trois-Rivières avec Ariane Moffat. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Cool! Et suivez évidemment Soirée Cachée, c'est fou sur Facebook. Oui, toujours. Et on a également Twitter. Et puis, évidemment, les exclusivités se passent dans un premier temps au 89.1 FM. Donc suivez-nous quotidiennement. On a du plaisir de toute façon. Hein? Plus il y a de poissons sur notre Twitter, plus on est content. Et voilà. Et puis, il y en aura une d'ici la fin de l'année scolaire. L'année scolaire, c'est le 30 avril. Là. Donc, voilà, scoop. Il y en aura une autre. Yeah! Hey, ça voilà. Fait une par mois depuis le début de l'année, ça. On aura réussi. Ben c'était oui. Notre objectif. Donc, on est très content. Puis, en passant, merci. Voilà, petite plug, là, mais j'aimerais ça remercier quand même le 89.1 FM. Mathieu, tu le sais, l'année passée, c'était le début. Oui. Puis, les deux pieds dans le projet. Hein? Puis, maudit qu'on a du fun. Ben oui, alors, mais c'est une chance que ça existe, parce que si ça n'existait pas, on l'invente. Comme et puis, un gros merci aussi au SAE là, qui fait des pieds et des mains. Là. C'est pas un projet nécessairement facile à coordonner. Pour réussir à avoir l'endroit, la bière et un paquet d'affaires comme ça. Exact, donc c'est pas des places qui sont faites pour recevoir nécessairement des spectacles. Donc on met beaucoup d'efforts là, à des réunions. Voilà, des réunions. Réunions. Donc c'est un gros merci à ces deux entités et puis évidemment bon, d'autres gens, mais. Vous pouvez voir les remerciements sur la page Facebook. C'est merveilleux. On va entendre évidemment deux pièces parce que c'est le segment il était deux fois. Donc, on a choisi pour commencer la pièce Tootles. On y est, oui. Et on écoute ça à l'instant. Fanny Bloom, Tootles, à Assemblage Requis au 89.1 FM. Pour te brûler, ligne. je t'achèverai de mon mieux. Il ne restera rien de toi, comme il ne reste rien de nous deux. J'enfoncerai dans ta poitrine couteau de cuisine ou perle mécanique, tout le mal que je t'ai fait, ce n'était rien. Tu diras qu'il faut entendre que c'est de j'en profiterai pour mordre ta langue, elle n'aura jamais goûté si bon. Je t'achèverai de mon mieux, ce sera du bel ouvrage. Je t'achèverai de mon mieux, c'est pour ton bien. Si je m'acharne, je plongerai ta première dans tes viscères et j'exploserai. J'ai le pouvoir d'être méchante, fille contondante, bien aiguisée. Je t'achèverai de mon mieux, il ne restera rien de toi. Je t'achèverai de mon mieux, tu en redemanderas. Fanny Bloom et tes bijoux qu'on vient d'entendre. C'était apprenti hier, mais... Tout à fait. Je m'excuse. C'est pas grave. J'ai marqué tes bijoux. C'est la première idée qu'on avait eue. Moi, je suis resté sissé là-dessus. Non, c'est ça. Il nous restait comme 20 secondes la chanson, mais finalement, elle était finie. Hein? Donc, ouais. C'était dans le bloc. Il était deux fois. Évidemment, on parlait de Fanny Bloom parce qu'elle était aux soirées cachées, c'est fou, hier soir, mercredi. Si vous avez manqué ça, ben c'est bien dommage. Oui. Désolé, Mathieu. Sachez que je compatis énormément avec vous, ouais. L'ayant raté moi aussi. Donc, Fanny Bloom, délicieuse... jeune femme. Performance. Performance, oui, excuse-moi. Tout à fait. Donc voilà, pour ça, c'était merveilleux. C'était dans le bloc, il était deux fois. Maintenant, avant de passer à Maxime Bilodeau et sa chronique qui s'en vient sur la culture sportive, en fait, il va nous parler de musique dans le domaine de la culture sportive. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais en même temps, on sait que ça va être délicieux, comme tu dis. Ben, il est toujours bon. Toujours, très, très bon. Alors, on va entendre Bells of Legend avec le numéro 1 de cette semaine. C'est Let Me Be. Ah, c'est fou. Dans vos ans. Palmarès anglophone. Dans le pas mal. Il faut qu'on le dise, c'est ben d'un oui. Coup que les gens ne s'en rendent pas compte. Oh, pas rire, toi. Ça me ferait, ça fait mal dans le dos. J'ai essayé d'arriver. Oh, pas rire. Some mistakes on the way. Would you let me tell my stories of courage with no fear? Let me be. On retourne la musique dans la pratique sportive. Dans la chronique d'une foulée à l'autre de Maxime Milodeau à Assemblage Requis. Restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Requis. Oui, et puis il est 7h32 minutes. 7h32 minutes. Et Jean-Philippe Charbonneau est là. Mathieu Plante aussi. Ah ouais, à peine. Mais t'es à là peine. Pareil. Je suis là, psychologiquement parlant, je suis là. Oui, effectivement. Vous voyez pas, là, mais c'est un fantôme, en ce moment. Hey, celui-là, c'est Maxime Bilodeau. Présent. Bonjour, monsieur. Bonjour. Salut. Bonjour. Voici bonjour. La chronique d'une foulée à l'autre. Bien profiter de ta semaine de relâche, Maxime. Oh que oui, messieurs. Il vous revient frais, dispo et plein d'énergie. Hey! Plein de sujets. Et ça en fait un dans la gang. On en rescape un. Donc, c'est ça, tu nous prends dans une semaine où on est particulièrement pas en forme. Ouais, je suis rentré ici puis c'était comme une infirmerie ou à peu près. Oui, c'est ça, Maxime. On a trop de questions pour Maxime. Infirmier, j'ai mal là, qu'est-ce que je fais? Mais bon, Maxime n'est pas là pour nous conseiller médicalement, il est là pour nous parler de musique. J'ai pas encore le titre de médecin. Peut-être un jour, on sait jamais. Quoique, mais bon, oui, effectivement, je vous parle de musique aujourd'hui. En fait, je vais faire une chronique de musique, mais sans musique. Non, mm-hmm. Non, c'est audacieux. C'est bizarre de même, actuellement, chronique de musique. Si on fait entendre tel artiste, ben moi, pas en tout. À part la musique que vous avez en excellente musique, oui, voilà, en fond ici, il n'y aura pas vraiment d'autres musiques qui vont être entendues. Pas de support auditif, mais. Non, effectivement, vous serez avertis. Voilà. Donc, avant de vous parler de musique et de sport, eh bien, je vais faire un bref historique de la musique et du sport, dans le fond. Donc, où que ça a commencé, tout ça, probablement que ça remonte à des millénaires et des milliers d'années dans les grottes. J'imagine que les messieurs, les hommes des cavernes s'amusaient à taper sur les murs ou à se taper sur le bedon pour faire la musique ou je ne sais pas quoi. Frappe dans tes mains comme pas sur le voisin. Effectivement, oui. Effectivement. Comme dit Jerry. Comme dit Jerry. Tape sur les roches. Cling-clong, cling-clong. Cling-clong. Jerry aussi disait ça. Oui. Jerry Boulet. Ben oui, c'est bien sûr. Il est marqué dans le Larousse, dans la section rose. Cling-clong, cling-clong. Donc, cling-clong, cling-clong, tape sur les roches. Donc, probablement que ça remonte à très loin. Le plus loin que j'ai remonté, que j'ai trouvé de l'information, en fait, c'est sur les galères romaines. Les messieurs qui tapaient sur les tambours étaient les esclaves qui ramaient, parce que ça n'était pas du monde libre, c'était les esclaves, bien sûr. Oui, pour donner le rythme. Effectivement, coordination, le rythme et la vigueur à l'effort. Donc, c'était vraiment. En fait, c'était, ou ce qu'on va dire, c'était une amélioration des performances. On peut s'imaginer que sans le tambour, les performances, le rendement du bateau était moindre. Ouais. Donc, ça remonte à relativement loin. Plus récemment, c'est la musique et le sport, c'est vraiment pris de l'ampleur, si on veut, dans notre époque moderne, avec l'arrivée des appareils technologiques, des miniaturisations des appareils technologiques. Donc, on pense au Walkman, au fameux Walkman jaune de Sony. Probablement les premières fois que monsieur, madame, tout le monde a pu prendre de la musique. Sa musique. Effectivement. Et l'écouter pendant qu'il s'entraînait. Révolution ici. au téléphone intelligent, aujourd'hui, ben, il y a de la musique d'à peu près tout. C'est une option sine qua non qui vient à peu près tout. Donc, on peut dire qu'elle est omniprésente. Elle est autant dans la commercialisation du sport, donc la fameuse mi-temps du Super Bowl, très bon exemple. Le show de musique, c'est un classique. Autant dans sa pratique, à tous les niveaux, que ce soit de façon amateur ou professionnelle, il y a tout le temps de la musique d'impliquer d'une façon ou d'une autre. Sans oublier les fameuses caricatures, il y a des chansons qui sont très associées au monde, au monde du sport. We will rock you! Effectivement. Ouais. Les Boys au Québec, oui. Un classique aussi. De façon un peu plus universelle, Eyes of the Tiger oui. de Rocky, ça. C'est un classique, ça, là, quand on va s'entraîner ou qu'on va. Oh, tabarouette, Eyes of the Tiger. Quand tu manges les œufs crus, là, ça vient avec. Effectivement. En fait, ça aurait dû être la première qu'on aurait sortie. Bon, effectivement. Mathieu. Je préférais We Will Rock You, moi. Bon, OK. Quoi, c'est Queens? Queens? Queen, c'est Queen, je pense. C'est Queen, hein? Je pourrais pas dire. On connaît pas nos classiques. Non, malheureusement. Autre classique, excellent classique. Les concours Nuki sur une plage. Chariots of Fire. Oui, oui, oui. Oh, ça, là, ça, c'est génial. C'est génial, ça, je peux vous dire. Igloo, igloo, igloo, il boit, il prend son verre comme les autres. Hein? C'est quoi le... Ça, c'est la chasse. C'est le sport de la chasse. C'est la chasse collective. Oui. Or, c'est piquement trifluvien, oui. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour l'historique. Mais dans le fond, vous n'avez pas besoin d'un expert pour vraiment vous faire dire que la musique rend la pratique d'activité physique, de sport, plus agréable. Tolérable. Plus tolérable. Effectivement, t'as très bien dit, Mathieu. mais qu'est-ce qu'il y en est au niveau physiologique? Et ça, c'est là que je rentre en jeu en tant que simili-expert pour vous dire. Gosse, tu prends pas un expert. On se l'a créé, T'es un expert, Maxime, pour nous autres, en tout cas. Oh. Dans notre cœur, t'es un expert. Merci, c'est comme qu'elle dit, t'es un gagnant dans mon cœur. C'est ça. C'est important, c'est de participer. Donc, c'est ça, je suis un gagnant dans votre cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau... c'est quoi les bénéfices, dans le fond, que les individus peuvent tirer de la pratique, de l'écoute de la musique? Donc, premièrement, il y a une division des ressources attentionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que la personne, elle va moins porter l'attention sur les processus qu'elle fait. Tu penses à autre chose, là? Effectivement, tu peux être complètement... Si la musique est vraiment bonne, peux vraiment être... Si ta musique a un bon rythme même, tu vas vraiment... c'est comme si tu faisais pas de sport. C'est de l'autopilote, là. Il y en a qui vont faire du vélo ou de la course à pied et tu te rends même pas compte que tu le fais, là. Effectivement. Puis tu fais un accident, puis tu meurs, puis... Tu t'en rends pas compte. C'est ça, t'en rends pas compte. Je viens de dire toute ma chronique, toute ma chronique. Ah, excuse-moi. Je reviendrai. Je suis un devin. C'est lui l'expert. Donc, il y a également une meilleure régulation et gestion des émotions. Donc là, bonne musique égale on se sent bien, on se sent pas agressé. Des fois, faire l'activité physique pour certaines personnes, c'est on se le cachera pas, c'est désagréable, c'est quelque chose de pas le fun à faire. Non. Donc, ça peut améliorer le tout, embellir le tout. Des affects agréables, donc là encore, c'est des émotions agréables, on se sent bien. Accès facilité à certains souvenirs, à certains programmes moteurs. Donc, si on s'entraîne tout le temps avec la musique, à un moment donné, ça peut devenir des automatismes. C'est naturel après, oui. Ouais, voilà, mettre des programmes. Donc, si on fait telle activité ou telle tâche, puis ça nous prend notre musique pour faire telle tâche, là, c'est vraiment automatisé. Donc, ça peut être intéressant là-dessus aussi. Meilleur contrôle de l'anxiété. Donc, on gère mieux l'anxiété. Surtout en pré-compétition. Mais oui, en avant-match. Ouais, voilà. Justement, pour se mettre dedans, il y a toujours la petite tradition des fois, les gens qui écoutent leurs chansons. Petite anecdote, le thème que vous entendez en ce moment, qui est mon thème de prédilection, moi, c'est la toune qu'avant une course, une compétition, peu importe, je me mets tout le temps dans les oreilles. Mm-hmm. Après ça, je suis parti, je suis en transe. C'est pour ça que tu as l'air en transe quand ta chronique commence. Effectivement, c'est comme un automatisme pour moi. Ça fait 2-3 ans que c'est ça. Et c'est une toune qui dure 2 minutes, donc tu t'en mets à répétition, puis là, t'es parti, puis ton 5 km va aller. Si je me rappelle bien, la pièce s'appelle Intro. Intro, ouais, voilà, c'est la première. Mm-hmm. C'est l'introduction. C'est l'introduction à la course. C'est moi qui ai fait le montage, je me rappelle. C'est bon. Donc, voilà, pour gérer l'anxiété, plus grande susceptibilité, voilà, de connaître le flow. Qu'est-ce que le flow? Bon, ça, c'est le sentiment d'abandon, d'être absorbé par la tâche. Ça vous est tous déjà arrivé, on fait quelque chose, puis 2 heures plus tard, on regarde notre monde. Puis, ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures que je fais ça. Là, ça, c'est un très bon signe qu'on a connu le flow, qu'on a connu cet état d'esprit-là. Tu vois, assemblage requis. Hein? 2 heures passent vite, là. Ah, il est 9 heures, je suis en retard dans mon cours. Effectivement. C'est pas le seul, ça arrive, c'est bien, ça. Meilleure coordination également. Si on choisit bien nos musiques, on peut les rythmer. Et voilà, donc dans les cours en groupe, c'est beaucoup ça. Meilleure coordination, on met de la musique et tout le monde se coordonne là-dessus. Donc, tout ça, aussi bien que c'est plus pareil, c'est mesuré dans des études. Donc, tout du moment fait avec des groupes contrôle et tout et tout. Il y a toute une science derrière ça pour avoir lu un peu là-dessus. C'est très intéressant. Et dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un effet globalement motivationnel qui encourage à s'entraîner plus vite, plus fort, plus longtemps. Donc, c'est un bénéfice énorme. Mais ça, c'est juste sur les individus comme tels. Donc, sur le rendement après ça, parce que ça se transfère en meilleur rendement sportif, c'est ce qu'on peut comprendre. Donc, il va y avoir une réduction de la perception de l'effort. Donc, on va pour un même effort, on va sentir que c'est moins taxant, que c'est moins difficile de faire. Il y a une amélioration des temps d'épuisement, donc un peu de l'endurance, si on veut. Donc, pour un même exercice, on va durer plus longtemps avec la musique que sans musique. Amélioration de tous les types de forces. Donc, durer plus longtemps, ça veut dire le sexe aussi, non? Tu mets du Barry White en arrière. Effectivement. C'est un très bon lien. Tu fais des liens dans les chroniques, j'aime ça. Excuse-moi de te couper complètement ta phrase, mais ça valait la peine d'être dit, là. Ça valait la peine d'être dit. S'il y a des amoureux en ce moment qui se... Qui ça donne. Levez-vous, allez mettre une toune et recommencer. Mais hey. Mettez pas le thème de Benny Hill. Mettez surtout pas le thème, j'ai entendu ça ici à la radio même, je pense que c'était pendant la chronique de Stéphanie. Internet is for porn. Oui, Internet is for porn. J'étais en train de me rouler tout seul dans mon appartement, tellement que je riais, c'était très drôle. Mais sinon, on fait connaissance en passant. Oui. Donc, tous les types de forces, comme je disais, peuvent être améliorées également, la puissance maximale, l'endurance, etc., etc. Donc ça, on peut aller chercher jusqu'à des gains de 15% dans les performances. Quand même. C'est énorme. 15%, c'est comme une drogue. C'est une drogue illégale. C'est pas, on fume rien, on s'injecte rien, mais c'est vraiment une, ça a un effet ergogénique, comme on dit. Donc, très, très élevé. En fait, c'est tellement élevé que c'est interdit en compétition. Aux Olympiques, un coureur ne peut pas prendre, son partir avec son iPod puis aller courir pendant le marathon. Il peut pas. Parce que c'est reconnu comme un effet, il peut améliorer les performances artificiellement de même. Mais j'imagine qu'il va essayer quand même d'avoir quelque chose en tête. Ouais, tu peux contrôler le cerveau des gens. Effectivement. Il va la chanter dans sa tête. Effectivement. Chanson de Pink dans la tête, là. Ouais, tout le long. Si on rentre dans l'aspect un peu plus technique des choses, on se rend compte qu'à certaines intensités d'effort, qu'en certains contextes, ça marche moins, la musique. Là, comme je dis, c'est un peu plus technique. Sauf que globalement, effectivement, qu'on pourrait penser qu'il pourrait peut-être aller chercher un gain. Sauf que ce que les études vont dire, c'est qu'à haute intensité, dans des contextes de compétition, il faut avoir toute son attention sur ce qu'on fait et tout, ça peut même venir nuire aux performances, mais on peut penser que chez Monsieur, Madame, tout le monde, effectivement, ça pourrait aider beaucoup. Donc, ça, en fait, c'est juste en écoutant de la musique, mais surtout, ce qui est intéressant pour l'équidame, en fait, pour le citoyen lambda, comme j'aime si bien l'appeler. C'est bien dit, ça. Ouais, ouais. Donc, ça augmente l'adhérence à l'exercice. Ce qui fait qu'en écoutant la musique, on a plus de chances de retourner s'entraîner quotidiennement. On a plus de chances d'adhérer à son programme d'entraînement. On a plus de chances, dans le fond, de rencontrer ses objectifs et de réussir en bout de ligne. Ouais, ça donne une raison d'écouter de la musique en plus, parce que dans la vie en tant que telle, il n'y a pas tout le temps des occasions d'écouter de la musique. Effectivement, quand on est un vrai mélomane, ou il y a d'autres personnes qui ont fait les balados de diffusion de plein d'émissions. J'allais le dire, des audiobooks aussi, des livres. Effectivement, j'ai déjà fait ça. C'est le fun. C'est génial, c'est génial. Mais moi, les podcasts, c'est mes préférés, les balados de diffusion. Oh, oui, à la route, mettons, là, puis on va rouler. Puis, Tu te remets à jour dans tes émissions. Et oui, et voilà. Puis là, tu capotes. Voilà. Il y en a tellement qu'à un moment donné, t'es submergé. C'est également un autre contexte qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la rééducation. Que ce soit des gens qui sont blessés gravement et tout, dans des processus de physiothérapie, de vraiment rééducation à l'effort, à l'exercice et tout, la musique peut venir réduire la douleur, peut venir rendre la chose plus agréable. Moi, je parlais tantôt des affects, les émotions et tout, on peut jouer avec ça pour, dans ce contexte de rééducation. Donc, encore là, ça peut être très intéressant d'écouter la musique. Donc, je parle de musique depuis tantôt, sauf que je ne vous ai pas parlé de la qualité de la musique. Ben oui. Parce que veux pas, on peut pas écouter n'importe quoi, OK? Il y a des conditions qui sont à respecter. En fait, si on voulait résumer le tout bien facilement, il faut que les musiques soient choisies en fonction des individus. Il n'y a pas de bonne musique. Mais c'est pas parce que je donne Chariots of Fire que tout le monde va capoter sur Chariots of Fire. Il y en a qui vont détester ça complètement. Ça veut dire également qu'il y en a qui pourraient écouter des chants liturgiques, mettons, en s'entraînant. Des chants de gorge, là? Ouais, ou des chants de gorge, ou des chants qu'on peut retrouver en église et tout, là. Du yodel. Des chants grégoriens. Des chants grégoriens, c'est Grégory, voilà. Charles. Oui. Grégory Charles. Okay. Il est partout. Il est vraiment partout. dans le fond, c'est vrai. Il n'y a pas de mauvaise musique derrière la chose. C'est quoi les conditions à respecter? Bon, ben, il faut probablement s'attarder au rythme, aux mélodies, aux harmonies. Il faut que ça colle bien avec la tâche qu'on va faire. Donc, on s'imagine que quand on court, ce n'est pas la même chose que quand on fait de l'escalade. C'est deux tâches différentes. Mmh. Donc, on va aller chercher vraiment deux musiques différentes. Encore là, dépendamment des gens. Quand on fait son échauffement en début d'entraînement versus quand on fait son retour au calme en fin d'entraînement, encore là, pas la même chose. On va aller chercher peut-être des affaires différentes. Un, ça va être pour s'activer, l'autre, ça va être pour se détendre et revenir à un état correct. Il y a également l'impact culturel et symbolique de la musique. Donc ça, j'ai pas besoin de vraiment élaborer là-dessus. Dans certaines cultures, certaines musiques sont plus de circonstances que dans d'autres. Et c'est également... Tu vois, de la musique raciste ou du Christian rock. Ouais, voilà. Le nouveau pape, là. Et voilà. Abemus papam! Mais Mousse Papam. Oui, je sors mon latin un matin. Mousse Papam, moi, oui. Mousse Papam. C'est également les contextes sportifs. Donc, encore là, il y aura des musiques qui vont être identifiées à certains contextes sportifs. Étant un cycliste, il y a une toune que moi, à chaque fois que j'écoute, ça me fait penser à ça. Et j'adore ça, sauf que la toune, à la base, est archi moche. Ça s'appelle Zazie fait de la bicyclette. Oui. Des plastines. Zazie fait de la bicyclette la nuit. Regarde, entre vous et moi, là, c'est horrible. Écoutez ça, c'est horrible. Parce que quand on a un cycliste, ben, on fait comme bicyclette, j'aime ça. Et voilà, c'est comme la toune s'y prête bien. Donc, encore là, contexte et impact. Après ça, les influences personnelles et situationnelles. Donc, encore là, dans certaines situations, ça va être mieux. Les hommes versus les femmes, ça peut être. Ça va être très différent. On dit que les hommes vont aimer plus les basses, tandis que les femmes vont moins aimer ça. Mm-hmm. Donc, ça, c'est encore là, c'est appuyé vers de la littérature. Les introvertis et les extravertis, donc différents types de musique. Encore là, on peut penser être dans une salle d'entraînement, dans un gym, il y a des attentes reliées à ça. Donc, on va s'attendre à ça de la musique commerciale, on va s'attendre à ce que ce soit quelque chose de relativement stimulant, que ce soit du Pink. Dis ça de même. Comme ça. Dis comme ça de même, c'est l'exemple qui me vient en tête. Versus du Tai Chi, quand on est dans un cours de Tai Chi, là, c'est complètement deux situations très différentes. Donc, encore là, on va adapter à ça. Les effets de la musique, comme j'ai dit tantôt, vont également différer selon le moment de l'entraînement. Donc, avant un entraînement, on va peut-être l'utiliser pour se stimuler, s'activer. Préparation psychologique, donc on va être dans sa bulle. De plus en plus dans les protocoles d'échauffement des athlètes professionnels, on retrouve un 5-10 minutes où ils vont faire de l'imagerie mentale, la préparation psychologique, donc visualisation, et avec la musique, ils vont vraiment être dans leur bulle, puis ils vont ne faire que ça. Et c'est ça, je n'ai pas besoin de le dire, c'est appuyer que ça vient vraiment apporter un bénéfice qui est très énorme. Ça aide les gens à se centrer sur la tâche à venir. Également pendant l'entraînement, ça c'est là que la plupart de la littérature a été faite, les études ont été faits, donc pour gérer l'effort, améliorer les performances, comme je vous ai dit. D'ailleurs, je vous donne quelques recommandations dans quelques minutes sur justement comment avoir la playlist idéale pendant qu'on s'entraîne, les critères à respecter. Également en post-entraînement, donc après l'entraînement, pour la récupération, revenir au calme, comme je vous ai dit. Donc, les fameuses recommandations que je vous disais. Premièrement, là, on va essayer de chercher des musiques qui sont familières, donc les préférences, comme j'ai dit, très, très important. Je dirais que c'est même le critère. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise musique. C'est qu'il y a juste des mauvais choix de musique. Dépendamment des individus. Mais mettons que c'est pas là nécessairement que tu vas découvrir de la musique en t'entraînant. Tu vas pas essayer une nouvelle gamme de MP3. Effectivement. Il faut que ce soit quelque chose que tu connais, le rythme. Et voilà, qui te parle. Ouais. Encore là, tu peux en découvrir dans différents contextes. Ouais. Si tu n'as jamais testé les chants grégoriens pendant que tu faisais ton 5 km, tu peux t'essayer une fois. Tu peux savoir que tu n'aimes pas ça. Ouais, savoir que tu n'aimes pas ça ou que tu adores ça, ouais. Au contraire. C'est une vraie vocation, finalement. on sait jamais. Il faut que ça soit fonctionnel, donc essayez le plus possible de coller au rythme de la musique avec le rythme des activités physiques. Les effets désirés, encore là, les types d'entraînement, il faut que ça aille avec les effets désirés. En harmonie avec l'état désiré, est-ce qu'on veut que ça soit agressif, est-ce qu'on veut être barbare, est-ce qu'on veut se dépasser, ou on veut que ça soit calme, ou que ça soit smooth, que ce soit pas trop taxant, etc., etc. Donc, on peut mettre du lounge. Petite musique de santé après le souper, versus un gros rock sale pendant qu'on se vide les tripes et qu'on vomit. ça peut être très, très circonstanciel. On peut chercher également d'aller la musique est en asynchronie, donc quand on veut pas synchroniser les mouvements avec la musique, avec le rythme de la musique, on va essayer d'aller chercher de la musique qui est à 125 à 140 BPM, donc beats per minute. Quand ça va être synchronie, ben là on va se fier au mouvement, essayer de coller ça à ça. Parce que des fois, ils font des passes de batterie assez spectaculaires, c'est pas tout le temps le même rythme, tout le temps, des demi-rythmes. Il y a quelques années, il y avait une toune qui m'a. Ben, une toune, c'était un groupe, je pense, qui s'appelait Dragon Force, une affaire de même. Okay. Puis eux, il y avait un batteur là-dedans qui était mongol. Ouais, c'était un rythme de 180-200 beats. C'était un flou quand tu la regardes. C'était exactement. Donc, tu t'imagines comment tu peux coller à ça en faisant du sport. C'est complètement désagréable, en fait. Donc, trop, c'est comme pas assez. Si on prend une toune qui est, je sais pas moi, qu'est-ce qui est super là. Radiohead, dans certaines de leurs phases, sont très, très planants, volatiles. Moi, il y a une toune, entre autres, qui me vient en tête. Comment ça s'appelle? How to Disappear Completely. C'est une toune qui est sur l'album 2000 de Kid A. Puis c'était vraiment une toune volatile et tout. C'est impossible de s'entraîner là-dessus. On va se coucher sur le bord de la route puis on va dormir. Ouais, c'est con de même. Également, aller chercher des paroles qui sont appropriées. Donc, ça peut être, ça peut laisser aller votre imagination. On s'imagine toutes pleines de paroles de fuck you, motherfucker. Et voilà, quand on est dedans, là, puis encore, on peut jouer avec de l'autre côté. Comme disait Mathieu tantôt, quelques mises en garde à faire avec la musique, par contre. Quand on fait de la course à pied ou du cyclisme ou encore de la marche, OK, veux pas, on évolue dans un environnement urbain, il y a des voitures. Il n'y a pas que toi. Effectivement, cher auditeur, faites attention à ça parce que sincèrement, ça peut vite arriver des accidents. Ça m'est arrivé, je faisais du vélo et puis j'étais dans le mauvais sens de la piste cyclable et j'écoutais ma musique et je regardais pas du tout, je m'en allais, je fonçais dans quelqu'un qui s'en allait dans la, tu sais, j'étais dans l'autre mauvais côté de la piste. Faites pas ça. Non, effectivement. Conseil, c'est une bonne belle expérience. Non. J'étais jeune. Effectivement. Puis aussi, quand t'es plus dans un endroit fermé, puis que tu fais écouter ta musique à tout le monde, ça non plus, c'est pas le fun. Oh, c'est vrai, ça. À l'université, ça arrive tellement souvent qu'ils se mettent leur baladeur dans le sac à dos, mais tu sais, que ça résonne dedans. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est un viol de la vie privée. Sérieusement. Sérieusement. Bien dit de même. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'audition, c'est un peu une vision périphérique. On voit derrière notre tête à cause de l'audition. C'est con à dire, mais c'est vrai. Donc, on est privé de cette vision-là. Et après ça, on ne peut plus juste se fier à nos yeux et à nos autres sens. Il faut un peu l'audition pour... c'est surtout pour le cyclisme, la course à pied puis la marche. C'est peut-être un peu moins rapide, puis c'est peut-être un peu moins dangereux, puis on a plus de contrôle sur son environnement. Mais le vélo, sincèrement, c'est probablement la pire qu'on peut avoir. Au pire, mettez-vous simplement un écouteur. C'est le fun d'avoir un beat sur lequel rouler. Je peux comprendre ceux qui font ça, mais j'avoue que c'est pas très très prudent. Et dernière chose, c'est également ne pas sous-estimer le danger de se retrouver dans la zone. Et ça, c'est très anecdotique, mais je vais vous le raconter pareil. J'ai rencontré dernièrement quelqu'un qui me disait qu'il était blessé. Bon, jusque-là, il n'y a rien. Mais qui était blessé à cause que... c'était à cause de la course à pied. Et puis elle mettait ça sur le compte que... quand elle écoutait de la musique, elle était comme trop dedans. Elle se donnait trop sur les entraînements. Elle était pas capable de se protéger elle-même des dangers de la course à pied, dans le sens qu'elle y allait trop généreusement, elle forçait trop généreusement et cette personne-là a fini par se blesser à force d'y aller trop généreusement en écoutant de la musique pendant qu'elle s'entraînait. Donc elle devait apprendre à s'entraîner, mais peut-être en écoutant moins de musique ou en choisissant ses entraînements sur lesquels elle écoutait la musique pour gérer ça. Donc effectivement, écouter de la musique peut mener aux blessures. C'est triste. C'est triste. C'est comme ça. Mais c'est triste. Mais c'est vrai. Mais on voilà. L'abus dans toute chose. Hein? Et voilà. Tout est une question de yin et de yang. De yin et de yang. C'est bien dit. De yin et de yang. Donc, ceci met fin à ma chronique. Merci, Maxime. Ça fait plaisir, messieurs. On te retrouve la semaine prochaine. Oh, sans faute. Sans faute. Jeudi à 7h30. Sans faute. Une autre excellente chronique d'une foulée à l'autre. J'espère que vous serez moins magané. On ne peut qu'espérer. On ne peut plus qu'espérer. Ça peut juste aller mieux. T'sais. Ça peut juste aller mieux. Ça va moins, si on veut. Ou si ça peut se détériorer, mais on sait pas. Ouais, effectivement. Soyons positifs. Soyons positifs. Yeah. Et soyons positifs et pédalons un peu, hein? Parce que tu nous as parlé d'une pièce tantôt, puis j'avais pas le choix de te faire jouer. Plastine. Zazie fait de la bicyclette. Merci Mathieu. Plaisir. En 1966, Mini Juppé Pop Music, Twiggy Flana Carnaby. Et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. Bicyclette la nuit. Zazie fait la bicyclette. Zazie fait de la bicyclette à assemblage requis. Hein? Une chance qu'elle a ça, cette bicyclette-là, et de la musique derrière pour pouvoir mieux rouler. Mieux rouler. Comme on a appris, voilà. Puis enlever ses petits trous. Oh. Oh, des blagues de roues. Pas fin. Oh. Dans quelques minutes... Bonne. Non. Dans quelques minutes, Julie Durocher et sa chronique L'Index. Plus tard, Jasmine Raymond-Dréville et la chronique La GEQTR. Et finalement, à 8h30, la chronique de François Landry sur la politique, c'est l'Ogocratie 101. C'est ce qui s'en vient dans la deuxième heure. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus tous ensemble. Soyons tout oui. Tout oui! Tout oui! Tout oui! C'est fou. Pour l'écouter, c'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis en ce jeudi 14 mars 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante en pièces détachées. Oh, merci. Ça va pas bien tous les deux. Non, on a un dur jeudi. Mauvais état physique pour nous deux, mais c'est pas grave parce qu'on a du plaisir avec nos nombreux chroniqueurs aujourd'hui. Oui. Et on va avoir bien du fun avec Anne-Julie Durocher qui s'en vient dans quelques minutes avec sa chronique L'Index, suivie de Jasmine Raymond-Dréville. Ce sera la nouvelle demi-heure du jeudi matin à 8h. Formule gagnante. Pour l'instant, on écoute Minotaurs. Voici Open the Doors. On a fait FM, c'est fou. We greet the morning like the setting sun. Minotaurs et Open the Doors. Ça rime. Assez fours. Assez fours. Marche pas ça. Toujours assemblage requis. Il est 8h05 maintenant. Oui. 8h05. Très belle heure pour accueillir l'index. Oui. Parfait, on reçoit pas l'index. J'aimerais ça pouvoir recevoir l'index en entrevue une fois. Lui demander chauffeur. Chauffeur. Ouais, mais si tu le reçois dans une boîte, je suis pas sûr que tu vas être si content. Non. Hey, comme la blague, là, quand tu mets ton doigt dans le trou dans une boîte, là, tu fais comme. Ouais. Il y a d'autres versions aussi de cette blague-là. It's my dick in a box. Voici l'index d'Angélie. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille une toute petite voix. Bon matin, Angélie Durocher. Bon matin. Ça va? Oui, toi? Oui, ça fait... Non, on t'avait vu mardi, il y a... Ça fait une semaine et demie environ. Mais c'était un nouveau jour. Oui, c'est ça. On a parlé la semaine de relâche, je suis venu. Oui, tout à fait. C'était le fun, en plus. Mm-hmm. Et tu nous avais dit que cette semaine, tu nous parlerais de... Quinoa. On avait fait plein de blagues. On a tout épuisé notre stock de blagues. C'est vrai, on les avait dites en rafale. On avait... Je fais confiance pour trouver encore plein de jeux de mots vraiment en poche. OK, on va du nouveau matériel, tu veux du nouveau stock. Toi. Mais vous souvenez-vous des jokes plates que vous aviez faites comme il y a une semaine? Ouais, toi? Non. Non, moi j'avais le site de TVA, là, tva.quinoa.ca. Ah oh, oui, c'est vrai. Non, c'était drôle ça. Il n'y a pas un jeu aussi qui s'appelle Kino? Ah! Ah! Oui, oui, ça, oui. Ça, oui, il y avait ça. Il y avait aussi ça, c'est n'importe quoi, Noah, n'importe quoi. Ouais. OK, ben là, comme vous vous souvenez de ce que vous avez dit, pensez-y, trouvez quelque chose de nouveau. Trouver d'autres choses. Plus drôle, de préférence. Ça serait difficile à être pire que ça. Ouais. Donc, quinoa, c'est une noix. Non. Non? Non. Ben, parce qu'il y a le mot noix dedans, on se dit tout, c'est une noix. Hein? Non! T'écoutais même pas la semaine dernière quand j'ai fait un résumé. Je fais comme si j'étais pas au courant, comme ça, tu vas pouvoir m'apprendre quelque chose dans la chronique. OK. T'sais. Ben, c'est t'es la bien radio. Rattrapé sur Mathieu, bravo! En fait, ben, c'est une plante herbacée, c'est ça, là. Puis il en existe plusieurs variétés. Cette plante-là est cultivée, en fait, là, pour ses graines riches en protéines. Et on a Jasmine qui vient d'arriver qui me fait des petits signes de tête parce que c'est elle qui m'a fait découvrir le quinoa. Tu peux t'installer et parler quand tu veux, Jasmine. C'est ça. Donc, elle m'a bien vendu le produit. Donc, ben, en fait, le produit, l'aliment. Et je vous le vends maintenant. Oui, mon tour, gratuitement. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Ben, je vous le vends pas. Je vais juste vous dire, allez l'acheter. Ça s'achète, donc faut que tu l'achètes. Ouais. Tu peux pas cueillir ça toi-même. Non, tu peux pas faire pousser ça chez toi. OK. Moi, je pose les questions les plus stupides du monde. Non, mais c'est correct. Okay. J'ai les réponses. Parfait, Je suis bien renseignée sur les quinoa. Donc, c'est considéré comme une pseudo-céréale et non une noix, comme Mathieu disait ce matin. Ben là, arrêtez de mettre le mot noix dans le nom, hein. Mais il n'y a pas le mot noix, là, c'est Noa. Il y a la noix. Syllabe. Même pas. En tout cas, il y a comme une syllabe pareille, là. OK. Puis, bon, là, j'en ai perdu. Puis, bon, ça fait partie de la famille des graminées. Parce que, donc, c'est comme les betteraves et les épinards. Les graminées, on peut être allergique à ça, je sais. Oui, c'est ça, c'est allergique à plein de choses. Sauf que il n'y a pas de gluten dans le quinoa. Ah. Fait que ceux qui sont allergiques au gluten ou ben intolérants au gluten peuvent manger du quinoa, ce qui est vraiment fabuleux. Puis comme je l'ai dit, en plus, c'est vraiment riche en protéines. Donc, c'est comme un beau mélange. En fait, cette plante-là est cultivée depuis plus de 5000 ans en Amérique du Sud. Donc, comme le haricot, la pomme de terre ou le maïs. Mais en fait... lorsque les conquérants espagnols sont arrivés, ils n'ont pas trouvé ça intéressant. Fait que c'est une des raisons pourquoi c'est comme un nouvel aliment dans notre culture et tout ça qu'on mangeait pas avant parce qu'en fait, là, ils n'ont pas trouvé ça intéressant, ils ne l'ont pas ramené. Fait que c'est relativement nouveau. On est en retard. On est un petit peu en retard. Mais moi, j'ai une question. Oui. J'avais lu en quelque part qui disait que ça contenait toutes tes sortes d'acides aminés là, dans la vie. Parce que, mettons, quand t'es végétarien, il faut que tu t'assures d'aller chercher des protéines un peu partout pour avoir toutes tes sortes d'acides aminés. Est-ce que tu peux me confirmer la chose? Je peux te confirmer la chose. Je m'en allais là. Je m'en allais là, exactement. Donc, le quinoa, en fait, comme j'ai dit, c'est sans gluten, pauvre en lipides, riche en fer et en d'autres choses, là, dont les oméga 3 et les protéines. Puis, c'est ça, contient tous les acides aminés essentiels à la vie humaine. Man, c'est merveilleux. Dude! Elle a dit humaine, mais elle a comme pas. Tantôt, elle t'a dit tout ce qui est nécessaire à la vie, man. Elle m'a dit man tantôt, j'étais comme, ok, bon, ben on est rendu là, dude. Ça aurait été tellement mon genre, en plus de dire, comme, hey, man, c'est vraiment cool comme aliment, là. Mange-le. Donc, je parle du nez aujourd'hui. Je pense que j'ai pas assez dormi. Pas grave, ça paraît même pas. Mon rhume. Mais en fait, moi, je pense que je t'ai donné mon rhume, mais en tout cas, ce sera un autre sujet de chronique. Qui a donné le rhume à qui? Ouais, l'œuf ou la poule? Non, on sait pas. Hein? Mais rien à manger du quinoa. Voilà. Donc, comme je l'avais dit la semaine dernière et je l'ai déjà dit, donc, 2013 a été déclarée année internationale du quinoa par les Nations Unies. Fait que, au mois de janvier, si vous avez écouté comme Radio-Canada, la radio de Radio-Canada ou un autre poste, faisait comme tout plein d'émissions là-dessus. J'étais perturbée sur le nombre d'émissions sur le quinoa. Mais bon, c'est 2013, hein, c'est ça. On va parler. C'est qui l'animait? C'est Noah? Noah? C'est qui, Noah? Comme l'air de Noé, hein? Noah's Ark. Ouais. Bon, pour manger, parce que là, je vous parle du quinoa, de ses bienfaits, mais là, vous voulez en manger, hein? Mm-hmm. Oui, c'est évident. Donc, il faut le rincer dans l'eau pour éliminer son goût amer. Je trouve que ça sent pas très bon, Jasmine, quand tu fais bouillir ça. Oh. Toi, juste quand moi, je le fais bouillir. Non, non, mais quand moi, je le fais bouillir aussi. Mais okay. Toi, quand tu le fais bouillir, est-ce que tu trouves que ça pue? Mais moi, je me couvre. Mais oui, peut-être pas la même méthode de cuisson que toi, là. On pourra s'en discuter, mais moi, je trouve que ça pue quand ça cuit. On fait cuire ça comment? Dans un chaudron? Ben, tu fais bouillir ça. OK. Pas compliqué. Une fois que ça bout, tu mets déjà ton petit couvert. Puis tu baisses ton feu. C'est comme du riz. 20 minutes. C'est comme du riz. Ouais. Ah, moi, j'ai pas la même technique. Discutons technique. Si tu me laisses exposer la mienne. Moi, dans le fond, je fais bouillir mon eau dans une casserole, là, dans une bouilloire à côté de mon rond. Okay. Là, j'allume un petit peu mon rond juste avant que ça boue. Puis là, je mets mon quinoa dans le chaudron. Je mets après ça une tasse et demie d'eau par tasse de quinoa. Mm-hmm. Là, je la mets à ébullition dans mon chaudron, fait que ça va plus vite quand tu l'as fait bouillir dans le bouilloire avant. Hein? Puis là, je mets mon couvercle. J'attends 15 minutes à 1 là, sur mon petit... ben, un, deux, la force, la chaleur. Wow, un, on comprend tout ce que je veux dire. La puissance puis, du rond. Après 15 minutes, j'enlève du rond, j'attends 12 minutes sans enlever le couvercle. Puis après ça, ça se défait tout seul. Ah. Moi, je l'ai fait cuire avec des petits. Des anis étoilés. OK. J'en ai peut-être à peu près 5 là, par tasse. Ça goûte la réglisse. Oui, ça goûte l'anis, là, c'est ça. La réglisse. Puis c'est ça. Ah, mais on n'a pas la même technique. Je pourrais essayer ta technique. Ça va super bien, puis il reste tout le temps super beau, puis comme croquant. Ouais, mais c'est à quelle forme? Ça ressemble à quoi visuellement, mettons, si vous essayez c'est de le décrire? C'est comme des grains de riz ronds, beige. Okay. Puis c'est transparent un petit peu, puis ouais, des genres de globules. C'est les genres de gnocchi du riz. Oh! Mais en vraiment minuscule. Ouais. Hein. C'est comme des mini gnocchi, pas des de patates. Des mini gnocchi, pas de patates, ouais, c'est ça. Ouais. Finalement. Mais tu peux aussi faire cuire ça avec du bouillon, en même temps, bouillon de poulet, bouillon de légumes, puis tout ça, puis ça prend le goût, c'est vraiment bon. T'as de la soupe peut-être? Ben, tu peux en mettre ça dans une soupe. Ouais. Tu peux comme faire plein de choses. Si vous cherchez des recettes, pour vrai, marquer quinoa sur Recipe. Google. Recette. Puis même pas besoin, là, ça va t'en sortir. Vraiment, tu peux être troisième lien. Puis la meilleure du monde est la salade de maïs et de quinoa de José Di Stasio. C'est vraiment la meilleure chose. C'est vraiment la meilleure salade du monde. Okay. Oui, elle est vraiment bonne. Je vous irez sur le site de la Di Stasio, c'est absolument fabuleux. On retient ça? Oui. Puis bon, là, maintenant qu'on a parlé de recettes de quinoa, ben, en fait, là, je vais vous faire un petit peu d'où ça vient, hein, le quinoa. Donc, je vous l'ai dit un petit peu, là, le Pérou et la Bolivie sont les deux premiers producteurs mondiaux de quinoa. Ce qui a en fait là, entraîné en fait, une hausse des prix du quinoa. C'est comme l'histoire poche du quinoa, ce que je m'en vais vous conter là. C'est intéressant. Mais arrête! Non, mais cesse tout de suite. Non, mais l'histoire triste. OK. C'est pas l'histoire heureuse. On l'a l'histoire heureuse avec les bonnes recettes. Je vous fais l'histoire malheureuse du quinoa. Vas-y. Donc, c'est ça. Donc, les prix ont augmenté parce que ça coûtait pas cher avant du quinoa. Là, ils ont dû en produire beaucoup. Donc, justement, le fait qu'il y ait vraiment une demande mondiale comme élevée soudainement pour le quinoa, ils ont dû faire des modifications importantes chez les agriculteurs boliviens, afin justement d'intensifier toute la production de quinoa. Donc, ça s'est traduit en fait là, par une monoculture du quinoa aux dépens de d'autres activités d'élevage, comme l'élevage de lama. Hé, je t'ai soufflé, là. Raison, moi, parle moins vite. Moi, tu parles parler, vite que tu manges vite, calme-toi. Ouais, pas drôle, tout ça. Donc, où j'en étais rendu? Donc, oui, ils font plus d'élevage de lama, monoculture de quinoa. Puis en fait, là, ils ont éliminé aussi d'autres cultures, d'autres aliments en fait, là, qu'ils produisaient pour favoriser le quinoa, étant donné qu'il y avait une grosse demande mondiale. Puis là, tout ça a eu beaucoup de conséquences, en fait, là, environnementales et sociales, dont l'exode rural. Donc, c'est la petite histoire triste du quinoa. Oh. Fait que regardez, en fait, là, ce que je vous conseille, c'est comme... est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est... d'où vient le quinoa et tout ça? Parce que c'est sûr qu'il y a les effets négatifs de cette production intensive de quinoa-là. Mm. Ce que j'ai su en faisant ma petite recherche, c'est qu'ils ont commencé à en produire aussi dans le sud de la France. Fait que ça commence aussi à se développer ailleurs, sauf que ça prend comme un sol aride et des conditions vraiment particulières pour pouvoir produire le quinoa, donc on ne pourrait pas en avoir au Québec. Mm. Ça sera malheureusement impossible d'en faire pousser ici. Bon, ben c'est pas grave, on va l'importer. Ah, moi, j'ai quelque chose à rajouter. Mais ouais. Finalement, pour ceux qui veulent s'en acheter, parce que c'est quand même dispendieux à l'épicerie, là, comme Anne Julie a dit, là, ça a augmenté de prix. Moi, j'en achète. Il y en a qui sont bien anti-Costco dans la vie. Là. Moi, je l'achète au Costco. Puis, t'as un sale gros sac, là, c'est peut-être. c'est plus qu'un kilo, là, puis ouais. Comme 10$ en spécial, 11$ à prix régulier. Là, il est bio, puis tout. Là, fait que ça vaut la peine quand même. Cool. Ça vient de chez Costco, mais il est bio, puis tout. Fait que, tu sais. Ça compense. Il y en a qui n'aiment pas la compagnie, là, mais allez-y, le colis. C'est ça. Puis si vous voulez vous acheter les plus petites poches de ces grains-là, vous allez pouvoir jouer au Aki Noah! C'est pas mal le sac encore, t'es correct, sinon ça explose partout. Exactement. Donc, c'était mon premier jeu de mots, Aki Noir. Ou Il y en a d'autres? Et j'en vois, j'en avais un autre. C'était, est-ce que, mettons, t'en manges, est-ce que ça va des fois te faire des traces autour de la bouche? Est-ce que tu as besoin d'une napkin noire? Napkin, voire, napkin. Quinoa. Je comprends, je suis pas sûr qu'il est bon. Pour ça, je dis pas. Pas si payé que ça, mais bon. La première était meilleure. OK. T'en as fait des pires, ça, je peux te l'assurer. Il reste encore une demi-heure, 45 minutes à l'émission. Ouais. Hein, voilà. C'est tout, Julie? Mais oui. Merci. Ça fait plaisir. Excellent. Quinoa, on prend ça en note et on commence à ajouter ça à la diète, là, parce qu'à un moment donné. Mais pour vrai, ça remplace le riz, ça remplace les pâtes, les pommes de terre. Tu peux en mettre dans ton biscuit avec ça. C'est exactement ce que je veux dire. Tu peux comme dans un bain plein de choses. Non, je suis vraiment surpris. Man. Des biscuits. Ouais. Il y a de la farine, il y a tout plein d'affaires, des gâteaux. Tu peux en mettre comme partout. C'est comme l'aliment miraculeux de. Hey, je vais faire quelque chose. La semaine prochaine, le matin, je vais vous amener ma salade. Ah! Est-ce que vous voulez? Ah, très fine. Mais oui, ben c'est pas la mienne, c'est celle de José Distasio, là, mais je vais vous en amener un petit plat. Tu l'as approprié, tu te l'as fait toi-même, donc c'est à toi. Ben non. Si tu la modifies à 30% comme une œuvre d'art, elle peut devenir à toi. En tout cas, je vous en amène. OK. Même si c'est le matin, là. Ben oui, je vais amener un petit plat, là. Il y a des petites fourchettes en plastique, vous y goûterez. Cool, vous merci. Allez voir, c'est super. Hot. Super. Bon, ben dans quelques minutes, ça va être Jasmine Raymond-Dréville, les synchroniques de la GEQTR. Yeah. Mais pour l'instant, on écoute Tremblay. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Hein? J'ai entendu ça, moi. C'est bon. Tout le monde en parle. Mais écoute, là, on va jouer. En ce moment, il y a des instruments. Il n'y en a jamais trop des regards croisés qui te font penser que ça pourrait marcher. Un chèque qui rentre sans que tu t'en attendes. Trois chiffres qui payent ton prochain loyer. Ça va, je compte en être là, je compte en être là avec toi. Boston, Montréal, en série, ça bouge, ça crie, la nuit, les taxis. Je vois la dernière saison fondre. Où est-ce qu'était passé tout le monde? Ça va, je compte en être là, je compte en être là avec toi. Je me tiens debout devant le bonheur. Je me sens prêt maintenant. Je suis plus solide qu'un boxeur, mais plus solide qu'avant. L'asphalte que je regarde quand je marche, la vie j'allais dans la face, comme le vent tu mènes, qui sent la mer et qui t'emmène. Ça va, je compte en être là, je compte en être là avec toi. Un dimanche matin qui dure jusqu'au lendemain, avoir le temps de prendre son temps. Même l'horloge est collée off. Ce soir, y'aura pas de la scale. Ça va, j'compte en être là, j'compte en être là avec toi. Je me tiens debout devant le me sens prêt maintenant. J'suis plus solide qu'avant que ça, mais plus solide qu'avant. Tremblay, ça va? Ah, ça va? Une chose que c'est pas une question, c'est un titre de chanson. Oui, non, parce on répondrait. Que... oui. Je te l'ai d'ailleurs demandé, Gordon. C'est ça. Et la réponse est non. Donc, toujours avec Jean-Philippe Charbonneau, Mathieu Plante, François Landry vient d'arriver, Angélie Durocher est toujours là. Et maintenant, Jasmine Raymond Drainville, on l'accueille. Voici la chronique de l'AGEQTR. AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR parce que l'AGEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Yo, toute l'équipe en même temps, incroyable! Salut! Salut, ça va bien, Jasmine Raymond Raymond? Bien oui, toi-même! Ben oui, regarde ça, comment t'as un public en studio, ça va? Hein? Salut! Ah, oui. Oh, wow! Hein? Tout est mieux, oui! De quoi on parle cette semaine? De pas beaucoup de choses. Oh non! Mais on... oui, ce sont des choses importantes. Aha! Donc... c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est la qualité. Voilà. Donc, je vais y aller dans un ordre absolument pas chronologique, là, parce qu'il y a plein d'événements dans un événement, puis il y en a un autre. Des sous-événements des branches. Oui, okay. C'est ça. Des éléments d'événements. OK? Oui. Mais un événement à part entière, tout seul, sans sous-événements. Number one. Nous avons une autre assemblée générale spéciale. Une par semaine, hein? Ouais! Hey! En fait, ben c'est lors de la dernière réunion du conseil d'administration, donc le dimanche 3 mars dernier. Mm-hmm. Le CA a mandaté le conseil exécutif de tenir une assemblée générale pour discuter des questions dont, ben en fait, ils voulaient avoir l'avis de l'ensemble des étudiants. Ouais. Là, c'est des positions plus sociopolitique là, qu'autre chose. Donc, des trucs spécifiques? Ben, ou, je vais vous le dire. OK, parfait. OK. Donc, les deux points qui vont être traités, c'est les suites du sommet sur l'enseignement supérieur. Donc, oui. Si on voulait en discuter avec... le CA voulait que le CX convoque une assemblée générale pour que tout le monde puisse en parler. Le CX, si après... tu sais, genre comme dans les textes de l'avocat, si après nommer les gens. Ou ouais, donc, c'est les suites du sommet sur l'enseignement supérieur qui a eu lieu les 25 et 26 février dernier. Puis ensuite, on va parler de position sur le mouvement étudiant du printemps 2012, donc l'année passée. Intérable. Oui, ça semblait ça, parce qu'il y a eu le Rassemblement national étudiant en décembre passé, puis qui a pris plusieurs positions. Puis c'est pas une instance officielle, en fait, là, le Rassemblement national étudiant. Donc, toutes les assos, là, se sont, ben, plus, beaucoup d'assos se sont réunis pour discuter, puis prendre ouais. des positions. Puis ensuite, les associations, là, chacune de leur côté... décide de reprendre ou pas là, certaines de ces positions-là qui s'adaptent peut-être là, à leur situation plus particulière. Donc, voilà, c'est l'Assemblée générale là, qui va pouvoir discuter de cela. C'est le 26 mars à 19h. On essaye de varier les plages horaires pour être sûr d'avoir différentes personnes des fois. Là. Exact. Et là, donc, 19h, ça veut dire pas de levée de cours. Mais par contre... Bon, on va en faire la demande. Okay. On est tenu d'en faire la demande. Okay. On ne sait pas si on va l'avoir, mais on va en faire la demande. Je vais vous donner des nouvelles là, par après. Sinon, consultez la page Facebook de l'AGE, donc AGE espace UQTR, le www.ageuqtr.org. Sinon, en tout cas, on va vous tenir au courant. Là. Je vais vous en reparler la semaine prochaine. Ouais. Donc, 26 mars, c'est un mardi, c'est à 19h, puis c'est au 1200 Albert-Tessier. OK. Parce que le 10-12 n'est pas disponible. Ça arrive. C'est ça. Donc, on fait ça au 1200, là. Il y a quand même pas mal de monde qui rentre là. Parfait. Voilà. C'était mon premier événement. Number one. Là, on est number ensuite, two. L'événement rempli de sous-événements. Donc, deux branches A. Oui. C'est ça? OK. Les élections générales de l'AGEQTR. Ça mérite pas son propre point, ça, c'est ça? Oh oui, Jésus, applaudissements de la foule! Hey, c'était vraiment hot, ça m'attend. Ça sonne pas grand-chose, hein? 5 personnes qui applaudissent, ben 4, non? Je pensais que ça allait être plus... En tout cas. Donc, Donc, voilà, les mises en candidature. La période des mises en candidature est terminée depuis mardi à 17h. Donc, mardi cette semaine. Ça a duré deux semaines et une journée et deux jours. Mm-hmm. Là, en ce moment, ben, peut-être pas présentement. Je suis pas au courant de ce qu'ils font à la minute près, mais le comité électoral va valider les candidatures, s'assurer que les signatures sur les formulaires sont valides, que les différents documents sont dûment remplis. Puis donc, ils procèdent à la validation des candidatures. Ensuite, lundi va commencer la campagne électorale. Oh! Oui! Oh, oui. L'annonce, c'est ça. Est-ce que tu as dit que l'annonce des candidats était vendredi? C'est bien ça? Ben, en fait, les candidats vont être avertis par courriel le vendredi de qui se présente au complet, mais eux, ils n'ont pas le droit de commencer à faire campagne avant lundi matin, 8h. Et ça, il y a des sanctions pour ça? Oui, aucune affiche. S'il y a des affiches à 7h55 lundi, si quelqu'un les voit puis qui sait qu'il n'a pas le droit, ils arrachent, puis le candidat ou le futur candidat a un avertissement. Puis au bout de deux avertissements, C'est out. C'est out. On te kick comme sur... Non, c'est vraiment... Puis il y en a déjà des personnes là, qui ont posé des affiches là, à l'avance, puis qui se sont fait... mettons, non, mais quelques minutes d'avance, puis qui se sont fait avertir. C'est déjà arrivé. Ouais. Donc, mais les candidats sont au courant. Ils sont censés. En tout cas, il faut qu'ils lisent la politique électorale. C'est une partie c'est des choses à lire. C'est ça, c'est la première affaire c'est eux qui affaire. Vont se faire taper ses doigts, peut-être. Ça part pas mal. C'est ça. Donc, ils commencent à faire campagne lundi. Puis ensuite, le 19, donc c'est un mardi, il y a le... En fait, il y a un 5 à 7, là, des rallyes des associations. Puis, à ce 5 à 7-là, il va y avoir une présentation des candidats. Donc, les candidats vont être annoncés devant le public. Là. Il devrait y avoir quand même pas mal de monde. Ça va être à la Chasse-Galerie. Ils vont embrasser des bébés et tout. Oh oui, comme tout bon policier. Là, ils vont se trouver des noms, comme le pape. Là. Ils vont trouver des noms cool qui n'ont jamais été utilisés. François. Excuse-moi, François. Ça a déjà été utilisé. C'est rendu déjà passé de mode. Déjà passé de mode. Okay. Pauvre, toi. Frankie. Frankie. Frankie Boy. Oui. Donc, là, il y a campagne pendant toute une semaine. Ensuite, le lundi 25 mars, il va y avoir le débat des candidats. Ça va être, en fait, de ce que j'ai entendu, je vais vous le reconfirmer, mais vu que la chasse n'était pas disponible le soir, ça va être le midi. Puis en plus, on n'a jamais, ben, ça a sûrement déjà été essayé, là, mais habituellement, c'est le soir que ça se faisait. Fait que là, le midi, il devrait y avoir du monde quand même qui vont dîner là. Ah ouais. Fait que je vous reconfirme ça, mais ça devrait être le lundi midi, là, le débat des candidats. Fait que vous êtes invités à venir poser vos questions aux candidats. Le comité électoral en prépare déjà des questions générales là, pour chacun des postes, mais si vous en avez, là, ne vous gênez pas. En fait, venez les poser, c'est super important. Ensuite, le lundi soir, très tard en soirée, là, slash le mardi matin à minuit. Dans la nuit de lundi à mardi. C'est ça. Le vote va commencer sur le portail électronique. Ça, je vais vous en reparler, là, mais mieux vaut vous en parler tout de suite. Oui, commencer. Tout à fait. Donc, ça dure jusqu'au jeudi soir, très tard dans la nuit, donc... Ben, dans la soirée. En tout cas, dans la nuit de jeudi à vendredi. Fait que ça dure trois jours, là, on comprend ce que je veux dire. Il y a trois jours de vote, puis ensuite, le vendredi midi, il va y avoir le dévoilement des résultats. Puis c'est le vendredi 19. Comme c'est férié, on sait pas encore ça va être où le local, mais en fait, c'est que la politique électorale là, ça oblige à ce que ce soit vraiment, que ce soit, c'est vendredi-là. Okay. Donc, on sait pas encore ça va être où. Là. Je vais... En fait, peut-être que le comité le sait, mais moi, je le sais pas présentement. Fait que je vais vous revenir là-dessus. Puis sinon, chacun comme je vous rôle. Disais, consultez la page Facebook de la GE, le site, puis vous allez avoir toutes ces informations-là. Ouais. Mm-hmm. C'est super. Ça. C'est fait bon. Que, en tout cas, informez-vous là, si vous voyez des petits candidats qui se promènent. Des petits candidats. Des grands aussi, là. Peu importe la grandeur, là. Si vous voyez du monde qui se promène, là, puis qui font campagne, allez leur poser des questions. Informez-vous, c'est super important parce que sont élus par vous. Ouais. Mais s'il y a des petits candidats, ils n'aiment pas ça quand on s'accroupit pour les serrer. Là, serrer la main. Faites ça comme normal. Là, faites juste une comme des nains? Non, mais c'est ça, mais des nains. Tu ne te mettras pas à genoux pour lui serrer la main. C'est dégradant, là. Pour qui? Pour la petite personne. Oui, non, non. Pour qui? Tu allais me faire dire le nain. C'est déjà un mot pas correct. Après tes leçons. J'espère répondre à la ville. Bye. Est-ce qu'on peut faire plus dur une dernière fois? Ah oui. Ouais. Les nains aussi. Non, pas les nains. Non, mais le son se rendait pas au micro. Drôle. Donc, Jasmine Raymond-Dréville, la semaine prochaine, toujours les jeudis. Entre 8h et 8h30, c'est Anne-Julie Durocher et toi. Donc, un combo, yeah. Comme au pack Super Size. Super Size. Oh! Super Size de bonheur. Come on. Pas d'insulte. Yeah. Bon, détail, non. Merci. Dans quelques minutes, ce sera François Landry et la chronique Logocratie 101. Pour l'instant, on prend une pause. OK? D'accord. On relaxe, on s'étire le dos. OK? Pas comme ça va faire mal comme ça. Je te vois faire. Non. À c'est fou. Les extrêmes, ça nous anime. C F O U 89 1. Lundi à Assemblage requis. Simon Fitzbeat nous fera entendre de la nouvelle musique dans son segment Fitzbeat. J'ai pas obligé de crier, mais c'est excitant. Véronique Mire du bureau de la Réussite étudiante sera de tour pour nous enseigner quelque chose et la chronique art et spectacle d'Alexandre Carignan de Temps de culture, lundi 7h à C'est fou! 89 1 FM. Non, nous y serons. Les extrêmes, ça nous anime. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Dans 32, Jean-Philippe Charbonneau est toujours là. Oui, Mathieu Plante, t'es là toi aussi. Ouais, pas pire. Ouais, oui. Angie Durocher, bien sûr. Mais oui, je suis toujours là. Jasmine Raymond-Drainville. Salut! Allô! Et, excuse-moi, fallait t'applaudir encore. Je pense qu'à chaque fois maintenant, il va falloir applaudir. Et maintenant, applaudissons ensemble et levons-nous. Sauf moi, pas capable. François Landry! S'il vous plaît. Soleil. Le début est solennel. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bon matin, François Landry. Bon matin, Mathieu Plante. Ça va? Oh, que oui. On t'a pas vu la semaine passée. Non, je me suis tellement ennuyé. Mais maintenant que t'es de retour, on peut encore plus t'apprécier. Écoute. C'est comme après une diète, la boîte de chocolat est tentante. C'est ça, un chocolat à l'orange avec ta chemise orange. OK, une autre qui fait, un autre qui fait une joke sur ma chemise. Non, c'est pas sur une joke. Sa chemise est de la même couleur que les murs de l'AGE. Ah, c'est vrai. C'est un orange, un flash. Je me cache, je me camoufle. C'est mieux ça que le genre de jaune morve du studio. Mais bon. Donc, quel est ton sujet aujourd'hui? Je me rappelle pas du titre. Je t'avais écrit hier matin pour te dire que le sujet serait « Et le gagnant est ». Okay. Donc, j'étais en train d'écrire ma chronique quand l'actualité s'est bousculée. Pas longtemps après, il aurait fallu que je te réécrive pour dire « Mathieu, change le titre pour « Et les gagnants sont ». Parce qu'on parle pas du pape. Et là, après ça, le pape s'est fait élire. Et puis là, j'ai dit « On pourrait appeler ça « Abemus papam ».« Abemus papam ». Une nouvelle recette faite à base de quinoa, je pense. De houmous et de vieilles racines poncedantes. Okay. Qui datent de 2000 ans. Oui, c'est ça. Donc, j'ai appelé ça « Et le gagnant est, le gagnant sont et Abemus papam ». Donc, tout simplement... Oui, le pape François Ier s'est fait aller. OK, on n'en parle plus, c'est fini. Maintenant, nous et les gagnants sont. C'est parce que le candidat Marc Garneau, tu te souviens, juste avant la relâche, je vous ai parlé qu'il était second sur Twitter après Justin Trudeau. Oui. Et bien, Marc Trudeau, Marc Trudeau, un lapsus. Marc Garneau, qui est un ancien astronaute, donc qui est redescendu sur Terre et a vu les statistiques sur Twitter et a dit « Je ne pourrai jamais avoir plus de suivis que Trudeau, donc je quitte la course ». Ah ouais, à cause de Twitter. À cause de Twitter. Twitter. Disons que entre nous autres, là, disons que c'est à cause de ce réseau social-là. Mais dans les faits, c'est qu'il a fait des sondages internes, puis il n'arrive pas à la cheville de Trudeau. Et c'était le second favori des électeurs. Ouais. Donc, il a dit, je me retire et j'accorde ma confiance à Justin Trudeau. Je me relais à lui en bon soldat loyal. Mm-hmm. Mais si on se souvient très bien de ma chronique, c'était Marc Garneau qui avait été le plus méchant envers Trudeau, qui l'avait traité d'être sans substance et qu'il ne faisait que les beaux yeux pour le parti, il se faisait élire. Et là, il se râlait à lui. Donc, est-ce qu'il y a eu des pressions internes? Est-ce qu'il a juste allumé ou il est mauvais perdant et il ne veut pas perdre la face envers Trudeau qui se râlait à lui? On saura. Personne. Donc, ce matin, on peut consacrer Justin Trudeau, Justin de Second. Donc, Trudeau le second, en tant que pape du Parti libéral du Canada, parce que les autres concurrents arrivent très, très loin derrière. Si Trudeau, on lui donne 10 sur 10, Martin Fillet et Martin Cochon, qui sont ses plus sérieux adversaires maintenant, arrivent à 0.6, 0.7 sur 10. Donc, faut qu'on s'entend que c'est Trudeau le prochain chef. Mais là, le sujet initial de ma chronique, c'était le Parti libéral du Québec. C'est en fin de semaine, enfin, que le Parti libéral du Québec se choisira un nouveau chef. On a le choix entre Pierre Moreau, Raymond Bachand et Philippe Couillard. Les militants semblent d'abord privilégier Philippe Couillard, donc le monsieur barbu. Donc, on voit que les êtres qui ont les barbes ont beaucoup de, plus de chances en politique. Donc, François Landry, ben oui. Peux-tu me confirmer une rumeur que j'ai entendue comme quoi Bachan, s'il perdait dans le fond, cette campagne-là, il ne se représenterait peut-être plus? Il a déjà soulevé cette question-là au tout début quand Charest a démissionné, qu'il n'était pas encore candidat. Ils lui ont dit, si tu te présentes et que tu ne gagnes pas, qu'est-ce que tu as dit? Ben, j'aurais plus rien à faire ici parce que les électeurs ne m'auront pas choisi. Okay. Mais c'est encore une rumeur, c'est pas confirmé, il l'a pas confirmé, mais attendons lundi prochain. On saura s'il quitte ou non. Peut-être qu'il fera la fin de la session parlementaire ou jusqu'aux prochaines élections et il ne se représentera tout simplement pas. Parce qu'il est quand même assez âgé, M. Bachand. Il est dans la soixantaine. Il est aussi âgé que le pape, là, mais... quelques mois. Ah, oui. deux vieux rétrogrades, ça s'annule pas, hein? Ça se complète. cette course au leadership aura été tout sauf emballante. Hein? Il y a juste moi qui a trippé, je pense, autour de la table. C'est ta passion, ça paraît. Ben, ma passion, ça paraît. Oh, okay, oui. Elle n'a soulevé que peu d'enthousiasme auprès des Québécois et guère plus chez les militants. Les débats entre les candidats se sont déroulés devant des salles rarement combles. On suivait qu'à un moment donné, il y avait 50-60 personnes dans un débat. Ça, c'était... c'est fort. Ça démontre vraiment la force du Parti libéral. Quant aux assemblées pour choisir les délégués qui vont élire le chef, il n'y avait pas foule non plus. Certaines associations de comtés n'ont pas pu pourvoir les 24 postes de délégués. Donc, il n'y avait même pas 24 militants prêts à aller à Montréal voter. Donc, quand le militant n'est même pas prêt à y aller, c'est, imagine la population en général. Il faut comprendre que le contexte politique explique en partie la situation. La course a été lancée très peu de temps après les élections du 4 septembre dernier et du départ de Jean Charest de surcroît. Donc, contrairement à d'autres campagnes à la direction, il n'y a pas eu de longue période de réflexion intermédiaire propice pour débattre, pour amener de nouvelles idées, réfléchir ou du moins laisser retomber la poussière. Le PLQ a également précipité la course en raison de l'élection de gouvernement minoritaire, parce qu'on sait qu'un gouvernement minoritaire, sa moyenne de longévité, c'est 18 à 24 mois. Donc, à l'automne prochain, ça fera déjà 12 mois que le gouvernement Marois est au pouvoir. Donc, on peut déjà prévoir des élections pour 2014. Okay. Là, je sens encore les auditeurs dire « Ouais, tu prévois tout le temps des élections. » C'est vrai, ça. Mais oui, je prévois, puis il arrive ça à un moment donné. Ben oui, donc, exact. Bon. C'est sûr que tu prévois des élections à toutes les années. À un moment donné, tu finis par avoir raison. Ben, je prévois des élections provinciales bientôt, fédérales bientôt, puis municipales, genre cet automne. Okay? Donc, ça sent la coupe. Ça sent la coupe. Les élections municipales cet automne. Oui, au mois de novembre. Original. Oui. On va en parler, Jasmine, si t'aimes tellement ça. vous devriez voir la face. Donc, durant les années Charest, le Parti libéral est devenu avant tout une machine à sous. T'sais, pas celle qu'on gagne à la loterie. Là. Non. C'est, au contraire, on se fait avoir par la machine, ben, comme à la loterie, dans le fond. Ben, dans le fond, c'est pareil. Hein? Ben, pareil. C'est ça. Donc, puis on a un gros joystick... Ouais. Gros pommeau. Sur le plan intellectuel, ce fut le désert carrément. Il a perdu l'habitude de débattre et de réfléchir, comme l'illustre douloureusement l'image de ce militant qui n'avait pu obtenir aucun droit de parole lors du Conseil général en 2010. Il s'était levé et avait demandé qu'on adopte une commission d'enquête sur la construction et compagnie, le financement. Personne n'avait voulu l'appuyer. Personne. Au Conseil général, c'était gênant. Si au moins on avait secondé, donc on aurait pu en discuter, puis dire non, on n'en veut pas. That's it, fini. Mais là, personne même veut. Même pas ça. Même pas ça, parce que Jean Charest s'était même pas levé lui-même. En tout cas, hein, il est plus là, tant mieux. Ouais. Ce parti a aussi perdu sa capacité d'attirer. Alors qu'au congrès au leadership, elle est l'occasion idéale pour recruter de nouveaux membres, le parti compte entre 45 et 50 000 membres actuellement. Ce qui est loin des 100 000 membres de l'ère Bourassa. Le Parti québécois a déjà eu 150 000 membres et là, il pivote autour de 60 à 90, on n'est pas certain des chiffres. Exemple, Québec solidaire a 12 000 membres, Option nationale 8 000 membres. Donc, on s'entend que le Parti libéral, avec sa portée historique et son poids, n'a pas de membres. Le premier défi du prochain chef sera de redonner vie au Parti libéral. On le dit, c'est mort et enterré ce parti-là, mais il survit parce qu'il est une entité traditionnelle. Les deux candidats qui peuvent le mieux le faire sont Philippe Couillard et Raymond Bachand, qui, contrairement à Pierre Moreau, ont pour eux de ne pas être des peu produits de l'ère Charest. Raymond Bachand, souvenons-nous, il était péquiste jusqu'aux élections jusqu'en 2004, je crois. Je suis pas tellement sûr. Et Philippe Couillard, qui était un médecin dans le privé et est revenu, a été ministre de la Santé pendant 5 ans, a quitté depuis longtemps, donc a pu se refaire une virgitude. Oui, ben ouais, c'est une ça. Virgitude. C'est Born Again Virgin, ouais, comme c'est ça. Si on veut. Mais donc, ils ne sont pas tachés par Charest. Exactement. Tandis que Pierre Moreau était un fidèle défenseur de Jean Charest. Okay. Le bras droit en chambre, c'est lui qui gueulait haut et fort, c'est lui qui montrait le plus haut taux de hautainisme. D'aristocratie. De nez en l'air. Là. Ouais, mais, ouais, je préfère tes mots. Non, mais là, moi, j'y mets les images. Ouais, non, tout à fait. Ouais. Donc, durant cette campagne, les candidats Couillard et Bachon manifestaient par ailleurs davantage de profondeur que Pierre Moreau quant aux orientations données au Parti libéral. On peut croire que l'un et l'autre comprennent qu'il faut aller au-delà des changements de surface pour reconquérir les électeurs québécois. Entre autres, dans les débats qui ont été tenus, les candidats n'ont pas vraiment amené de nouvelles solutions, sauf Pierre Moreau qui a juste dit « abolition les cégeps ». Bon. Et quand on lui a dit pourquoi et comment tu vas remplacer ça, bon, on fera le débat après. On verra. C'est dans le temps comme dans le temps. On est dans un débat, là, mon gars. Frappons et parlons après. Mais tantôt, tu parlais de Jean Charest puis tout ça. Il s'est pas immiscé dans la campagne, non? C'est ce que j'aime du Parti libéral du Québec. C'est que les belles-mères n'existent pas. Ils se retirent, comme là, Jean Charest est parti en France, aller voir ses bons vieux amis, il est allé voir les hauts gradés de la France, il a été reçu en tant qu'homme d'État alors qu'il n'est qu'un simple citoyen. Mm-hmm. Il s'est trouvé une job dans une très grande firme d'avocats au Québec. Il est tout bonheur, lui. Il est placé quand même. Ça finit bien. J'aimerais avoir son fonds de retraite. Est-ce qu'il récolte encore l'argent de quand il était premier ministre? Une fois que t'es comme à vie, genre payé par... Exactement. Okay. Donc, les élus québécois, premier ministre, je sais pas, mais pour un simple député, j'avais calculé. Je vous démontrerai l'exemple un moment donné. Je vais faire l'exercice. Pour quand t'es député, combien tu gagnes? T'as un salaire de base qui est de 86 000 à peu près par année. Pas pire. Mais c'est pas beaucoup, Mathieu. C'est pas beaucoup. Pour tout ce qu'il fait... Il était député 24 heures sur 24 pendant 4 ans de temps. Donc, ta vie familiale en mange un coup. Oui. Ta carrière professionnelle, il faut la mettre en suspense si jamais tu veux faire juste une incursion en politique 4 à 8 ans. Mais tu as un fonds de déplacement. Tu as un appartement de service à Québec. Tu as des frais de déplacement. Dans le fond, tu touches pas à ton salaire puis tu vis bien. Tu peux le mettre de côté. Ouais. Et puis, après, quand tu démissionnes, tu as un retour d'argent, pourcentage pour te dire merci et bonne chance. Ou des fois, selon un contrat, comme Jean Charest, lui recevait un salaire du Parti libéral, pas du gouvernement, du Parti libéral, de 75 000 $ par année, en plus de son salaire de premier ministre, donc octroyé par les contribuables. Mmh. Donc, il s'en est mis de côté. Ben, en tout cas, j'espère pour lui parce que. Il y avait les moyens de pouvoir s'en mettre de côté. Ben oui. Voilà. Donc, je vais terminer juste en disant que Philippe Couillard retient l'attention pour ses qualités de communicateur. On le sait, beau bonhomme, bonne prestance, a été un ministre des Finances et de la Santé efficace. Peut-être pas bon, mais efficace. La méthode Toyota, que je connais pas du tout c'est quoi, c'est lui qui l'a implanté, mais ça a l'air que ça marche. Bon. C'est comme une ligne de montage de char. Chaque chose a son... Travail à la chaîne. Du travail à la chaîne, voilà, dans les hôpitaux. Ça a l'air que ça marche, j'en ai aucune idée. Notre connaissance du personnage politique est toutefois limitée, restreinte au domaine de la santé. Il n'a été que ministre de la Santé. Habituellement, à chaque 3 ou 4 ans, on change de siège pour ne pas s'empoter et pour ne pas non plus être en manque en cours d'idées. Blasé, complaisant. Voilà, tout simplement. Comme un vieux là, qui est là depuis 30 ans et qui ne change pas de place. Potentiel. C'est ça. Son instinct lui a fait choisir de se définir comme un homme du centre. Donc, c'est de l'extrême centre. Ni de droite, ni de gauche, ni en avant, ni en arrière. Moi, je bouge pas, je suis au centre. Extrême centre. Extrême centre, ouais. J'ai jamais entendu ça, OK. Voilà. Tandis que Raymond Bachand, ministre des Finances, très influent sous Jean Charest, ancien péquiste, comme on l'a dit, il a fait le choix de militer dans un parti fédéraliste. Il se dit nationaliste, mais fédéraliste. Donc, pour la cause Québec, mais dans un Canada. Un Québec fort dans un Canada uni. OK. Ça, on peut résumer ça ainsi. Ses adversaires lui ont reproché son passé souverainiste, oui, mais il est essentiellement produit de la Révolution tranquille. Tout le monde était nationaliste. Les baby-boomers sont tous nationalistes, mais tout dépendamment si t'es souverainiste ou fédéraliste, tu es nationaliste. Donc, il porte des valeurs du Parti libéral de Jean Lesage auquel il s'est approprié l'effigie, se consacrant à l'avancement de la société québécoise. Il voit son parti redevenir la coalition qu'il avait été avant que l'aile nationaliste ne le quitte. Sous l'air Bourassa, c'est un grand nationaliste. Il a failli faire l'indépendance du Québec, souvenons-nous-en, au Lac-Mige. C'est juste que les bons du parti lui ont dit « Reste-toi, mon petit, nous autres, on veut pas ». Donc, voilà, c'est en fin de semaine. On suit ça de très, très près. Et puis, dès lundi matin, je vous envoie tous des courriels avec des questions quiz, à savoir si vous avez écouté. Et on verra, on fera un dévoilement des résultats jeudi prochain, à la prochaine chronique. Bien, hâte de voir ça. tu crois que c'est possible de reconstruire ce parti-là, vraiment? Est-ce que tu penses qu'un de ces deux candidats-là est capable de le faire? Oui, oui. Okay. Il va reconstruire, mais est-ce qu'il va juste patcher les trous? Moi, ou reconstruire vraiment avec de nouvelles assises? Ça, non. Il va vraiment juste prendre les ruines du parti qui reste, les ruines étant un palais doré, où il y a juste les portes qui ont été fermées le temps qu'on déménage un peu puis qu'on change les pièces. Mais ils vont revenir en force parce que le parti de Pauline Marois démontre jour après jour après jour qu'il n'est pas le parti que les gens ont souhaité avoir au pouvoir. Mmh. C'est un parti, c'est une alternance qu'il y a eu tout simplement le 4 septembre dernier. Les derniers sondages montrent que le Parti libéral et le Parti québécois sont au coude à coude dans les intentions de vote. Donc, c'est rien n'est donné. Et tout dépendamment de la des circonscriptions, de la répartition des régions, le Parti libéral peut redevenir le parti au pouvoir. Mais, ça sera l'objet d'une autre chronique, le nouveau financement des partis politiques donne un avantage accru aux tiers partis. On l'a vu, Jean-Martin Hossan, avec un salaire annuel de 86 000 $. Comment un tiers parti qui n'a aucun député peut avoir autant de cash? Mm-hmm. C'est la nouvelle formule de financement. Je vais vous en parler. Ça va favoriser les nouveaux partis. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait une pléiade de nouveaux partis aux prochaines élections et qu'ils puissent gagner des sièges. En même temps, tant mieux, parce que là, les vieux partis, on s'entend que... Voilà. Quand t'es majoritaire au Québec, au Canada, t'es majoritaire, tu fais ce que tu veux, ouais. Tu n'es pas redevable. Tu es responsable, mais pas redevable. Mais avec un gouvernement minoritaire, c'est difficile de faire passer des projets de loi. Tu es obligé d'avoir une majorité en chambre. Donc, tu es obligé d'aller voir la CAQ ou Parti libéral ou Québec solidaire ou éventuellement Option nationale. Mais pour l'instant, c'est un gouvernement minoritaire fort où on peut quand même faire ce qu'il veut ou presque. Mais avec 3-4 autres partis en chambre, avec une plus grande députation de l'opposition, ça va faire comme dans les pays européens ou en Israël où les coalitions de 5-6 partis ensemble pour avoir une majorité de 51% se doivent de négocier pour tout le monde. Donc, un parti d'extrême gauche peut être au pouvoir, même s'il n'a qu'un seul député, mais c'est que son siège est tellement important pour passer un projet de loi qu'il peut se faire nommer ministre. Donc, imaginons, François Zavid aurait pu être ministre de l'Éducation sous un gouvernement péquiste de Pauline Marois si jamais il n'avait manqué qu'un seul député au Parti québécois pour former le gouvernement majoritaire. Donc, les coalitions, moi, je triple là-dessus parce qu'enfin, au lieu d'être une mesure extrême, c'est un consensus. On dit qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je peux vous donner, qu'est-ce que vous m'échangez. Donc, on se parle et ensuite, ça reflète beaucoup plus la réalité. La réalité de la population québécoise et canadienne par définition. J'imagine faire une émission à sketch, genre « Et si Françoise David? » Oui. Mais, ah, ce serait bon, on pourrait proposer. Okay. On s'en parle. Merci, François Landry. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. À la semaine prochaine, jeudi, à 8h30. On vient pour se quitter tout à l'heure et faire un petit résumé de la semaine. Mais pour l'instant, Olinéa et la pièce « Monstre à 100 têtes ». La politique, c'est un mot, ça, 100 têtes. À 125 têtes. Ouais, là, j'ai pas la chanson 125 têtes, là. Oh! Monstre à 100 têtes d'Olinéa à Assemblage requis. C'est presque terminé pour l'émission d'aujourd'hui, mais tu sais, vu qu'on est en gang, on s'est dit, tu sais. On va faire le party. Party, party animal. On va s'applaudir toute la gang, comme toujours. On va féliciter les gens qui font le ménage à la salle de bain. Non! Non! On parle de ça, c'est un sujet de conversation pour tout le monde. Il y en a qui parlent de hockey, il y en a qui parlent de météo, il y en a qui parlent de la boîte en avant de la porte de l'OGE. Mm. Finalement, c'était réparé par des planches de bois après s'être plaint. Mais oui, ça a fonctionné, c'est merveilleux, ça fait du bien. Il faudrait qu'ils en fassent tout le long du chemin. Exact. Mais c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Un bon pas est un jeu de mots de on s'en fâche tout le temps. Mais on a parlé un petit peu à tous les jours de la semaine jusqu'à maintenant, Jean-Philippe. On avait commencé avec de la boîte. Mm-hmm. Ensuite, c'était de la boîte avec des boîtes de pizza. Ouais. On va piler dessus. Après ça, c'était de la boîte avec un tapis. Oui, c'était Aladdin. Aladdin. Aladdin, c'était parké illégalement en face de la porte. C'était du flocon. Est-ce qu'on l'a retrouvé, lui? Des poubelles en train de vomir, non? Ouais. C'est quoi, Aladdin, il vomit pas. Aladdin, il vomit pas. Aladdin, il vomit pas. Ben, trop beau. Joël Legendre vomit, rien. Moi, ça a gâché ma vie quand j'ai su que c'était lui qui faisait la voix. Après ça, tu le vois partout, hein? Oui, tu l'entends partout. Partout, là, je me disais, mon Dieu. C'est Aladdin. Aladdin. Mais... Donc, Aladdin s'est fait aspirer par le tapis. C'était quoi déjà le bruit que ça faisait? On n'est jamais synchronisé, Mathieu. Non, on n'est pas très bon. On recommence. Ben, c'est toi qui... Faut que je parte le son en premier? Ouais, c'est toi. OK, OK. Voilà. En tout cas, on a compris la joke. Et bref, après ça, c'est devenu des planches de bois. Dessus, avec la petite roche en plus, c'est merveilleux. Oui, et ils ont mis de la neige sur le côté pour piler pour faire par un chemin. Et voilà. Ils devraient mettre ça partout dans la ville, des planches de bois. J'avais pensé que tu allais dire de la neige. Non, des planches de bois, tu sais, des places où ça glisse bien gros, là. Oui, oui, oui. Mais genre, Jocelyne, il y a quelque chose qui s'appelle, la technologie qui s'appelle une déneigeuse. Ou avoir de l'équilibre, en fait, là. Aussi. Ou des crampons en dessous de tes bottes. Ouais. Ouais. Bien, ça. Bref. Tu sais, des petites pantoufles bleues avec des crampons en dessous, là. Oui. On en offre un petit panier à l'entrée. C'est joli. Oui. C'est joli. Oui. Les cliniques, les salons de coiffure, etc. Oui. Ouais, c'est ça. Chez les dentistes, surtout. Oh, ouais. Toujours c'est ça. Donc, le problème est réglé pour ça. Fait que ça, c'est correct. On passe à un autre sujet. Maintenant, il reste à régler le problème des salles de bain. Là. Parce que là, pas de savon, pas de papier de toilette. Pas de porte. Pas de porte. On s'est plaint. Tout le monde s'est plaint. Pas de plaisir. Pas de plaisir du tout. Non, non. Et ça va se régler ça aussi. Fait que nous autres, on est comme des problem solvers. Problem solvers. Mais pas du tout. On retourne en musique. On s'en va entendre Rouge Pompier. C'est vrai qu'on revient après ça pour se dire au revoir. Rouge Pompier, quelle est la pièce qui pourrait m'inspirer quelque chose par rapport à ça? Je sais pas. Ah oui, tiens, on va leur dédier la chanson Château de sable, mais on va la renommer Château de boîte. Puis à chaque fois qu'ils vont dire sable dans la chanson, on va dire boîte. Tiens. OK, on se prépare. Attention, on repart. Ouais, je t'ai au château de sable. Rouge Pompier, la pièce Un Château de Sable à Assemblage Requis. C'est là-dessus qu'on va se quitter rapidement. Le temps de remercier Anne-Julie Durocher, Jasmine Raymond-Drainville, François Landry, Maxime Bilodeau, toi Jean-Philippe Charbonneau. Oui, toi Mathieu Plante aussi. Merci beaucoup. On se retrouve lundi avec plein de bonnes choses. Restez à l'écoute pour La Belle et les Bêtes qui commence à 9h. Ensuite, à 11h, c'est Dîner de con. Et puis, je serai de retour à 15h pour les Panneras C'est Fou avec Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay. Allez voir le cif.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce de Stone qui est Setting Sun. Et puis, bon La Belle et les Bêtes. Bonne fin de semaine. Ben oui, bonne fin de semaine, Mathieu. On se voit lundi. On va essayer d'être en forme. Oh oui, on va se prendre soin de nous-mêmes. Oui. Bonne personne. Oui. Bye. On va se débarrer. Oui. As-tu la clé pour ça? Ah! On va trouver. Ça passe par qui? Oh!